Radio Le Zinc. Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Le Zinc. Merci à Didier de Backline et merci à Pop & Rock qui nous ont avertis de la sortie du nouvel album de Bandy Bandy que nous suivons depuis quelques années. Hugo et Maeva nous ont offert à l'instant des fois. Et si vous avez aimé, l'album tout entier devrait vous plaire comme il nous a plu. Mais en attendant, voici tout de suite le dernier titre, Prémisse. Espérons-le d'un nouvel album de nos potes de Lulu Van Trapp. Où je suis pas invitée, de tous ces regards, mon habit de fantôme ne saurait me cacher. Je Et Lulu Van Trapp, rappelez-vous, un groupe estampillé Radio Le Zinc depuis plusieurs mois, grâce notamment à Brésil. Tous ces mauvais démons font sa réputation. Mais ses rêves attirent d'elle, l'entraîne et il s'enfuit vers la femme aux mille visages de la nuit. Si tu ne crains rien, dis que tu m'aimes alors. Sans page et sans répit, tu me laisses alanguir. Et n'oubliez pas que Radio Le Zinc aime remuer vos méninges et pour ce faire, nous aimons vous programmer consécutivement deux titres que nulle part ailleurs vous ne pourriez voir ou entendre enchaîner. Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. C'est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château de Laz, le plus grand bal de Londres, Lord et Lady de Laz recevaient le grand monde, diamant, rubis, topaz et blanc. Blonde cache

pays de collabo, impérial jusque dans les palabres, un palace pour la mafia, libre de remplacer le ciment à tes pieds par de la colle à bois. Ici quand le berger siffle, le chien à bois. Ami des dictateurs, les droits de l'homme on s'empête, car lors d'une poignée de main se cache toujours une petite calculette. Viens dans mon pays vendre de la marijuana, appelle-moi Buana. Viens homme singe, homme qui ne songe. Vas-y, plie mon linge, prends cet os et puis ronge. Défends mon pays, reconstruis ma maison. Déracine ta famille mais ne change pas d'horizon. Nettoie mes poubelles, vis dans le laïque. Entretiens mon patrimoine et mes valeurs archaïques. Aime ta patrie enfin, laisse-la t'aimer. Respecte un hymne national qui te dit de tout cramer. Et si tu touches ma fille, c'est coup de fusil. Alors va faire la guerre chez toi, je te vendrai des usis. Et puis maintenant, faudra plus tuer des moutons, mais apprendre ma recette de couscous au saucisson. Allez danse, fais ta musique de bamboula. Divertis-moi au foot, je te ferai la hola. La voilà, la France des lumières. Et pour quelqu'un, tout éteint, y'a pas de quoi être fier. Fier, fier, fier, fier, fier, fier, fier, fier. Il y a quelques années, Cyrano, accompagné de Concrete Factory, chantait ce titre engagé pour nous rappeler que le drapeau tricolore n'est pas que l'apanage des racistes. En 2023, Cyrano revient et chante des bouquets de freesia. Reste-t-il, qu'avons-nous à célébrer? Sommes-nous dociles, sommes-nous décérébrés? Où sont nos discrètes folies enténébrées? Et la dignité fragile qui nous a libérés? J'aimerais encore la force de séparer d'émancipation. Et ce monde de profil en face et défier l'émancipation. Effacer mes défenses, gagner du temps à ne plus les penser. Quant au coût de l'élégance, mes émotions pourraient financer. Quand beaucoup se sont dispensés de penser. Et si les siècles meurent ou dansent les ronces, je planterai leurs épines à mon bras. J'empoignerai l'antille aux franches réponses plutôt que la dévote camélia. Et si le lit sa mère avance et renonce comme Stendhal à la pâme est en émoi devant les simulacres et l'acre se monce, je lancerai des bouquets de freesia. Que nous reste-t-il à part l'idée d'honorer la vie? On veut de l'amour même s'il y a du vide autour et de quoi changer d'avis. Être lucide et fuir la candeur est pathétique. Dans mon coin j'échange de moins en moins et je dis que c'est pas éthique. Mais c'est juste mon innocence est riche des barricades. En vrai y'a des individus qui font la queue pour un jerrycan. Pas d'équipe, je ricane, ranger les steadicam. La bacchélite des trucages ce sera brut et délicat. On n'embellira pas le scénar, on dira pas on est quitte. On va manger les bobines du film où chaque élite a son reliquat. Que nous reste-t-il quand les satellites à la verticale sont des médicaments? Des poèmes et du calme, un champ magnétique et lexical. Que nous reste-t-il? La la la la la la. Que nous reste-t-il? La la la. Que nous reste-t-il? La la. Que nous reste-t-il? La la. Que nous reste-t-il? Et si les siècles meurent ou dansent les ronces, je planterai leurs épines à mon bras. J'empoignerai l'antille aux franches réponses plutôt que la dévote camélia. Et si le lit sa mère avance et renonce comme Stendhal à la Parme est en émoi devant les simulacres et l'acre se monce, je lancerai des bouquets de freesia. La la la la la la. Ainsi, en 2023, Radio Le Zinc essaye d'être un mélange, un melting pot de musique. Zenzila, quant à eux, restera le mélange sans appel. Il pleut au pays de mes aïeux. Inverse d'hémoglobine et les vautours qui se jettent sur les dépouilles des victimes. Le jeu consiste à faire valoir des enjeux théologiques. Que d'histoire, mais que d'histoire, que ces contes de la mer fric. Y a-t-il pas plus important? Carburant, rouler, rouler, machine à polluer. Est-ce plus important que la vie d'un gosse perdu, envolé? Est-ce plus important que la vie d'un gosse perdu, envolé? Il neige la ville blanche, du sang en avalanche. Les suspects sont de partout, les coupables pas loin de nous. La critique est aisée, monsieur dame, surtout quand on a oublié l'inquisition, les dits de Nantes, les bûchers, les ciné ont bel et bien existé. Pas plus important que ce carburant, rouler, rouler, machine à polluer. Est-ce plus important que la vie d'un gosse perdu, envolé? Est-ce plus important que la vie d'un gosse perdu, envolé? الجزائر يا رب يعاونهم. Alors je vous parle, c'est jour meilleur et sans heure. Et vous écoutez toujours Radio Le Zinc comme tous les jeudis à partir de 17h au 104.6 de RVR. Et voici qu'arrive un de nos vieux fidèles. Yves Simon nous chante au pays des merveilles de Juliette. Marchez Juliette au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Les vieux écrans de 68. Vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard vous avait alpagué de l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous quoi seront Juliette dans la nuit américaine. Et après la Juliette de Yves Simon, voici celle de Alice. Attention, à chacun son interprétation de l'œuvre de Lewis Carroll. Désolé d'être si cruel, de briser tous tes rêves. Mais c'est la vie qui est dure, Alice. C'est ça, le Radio Lezinc et son humble serviteur aimeraient inviter dans notre studio tous ces beaux artistes, mais il faudrait pousser les murs, car de Pierre-Henri Cravant à Georges et son Bazar Bellamy, cela ferait beaucoup de monde. Il faudrait déjà que nous lancions des invitations, peut-être que quelques-uns y répondraient. Benjamin, viendrais-tu ? De l'angoisse jusqu'au bout des doigts, elle a filé loin la lumière. Je déteste te dire qu'il n'y a plus grand choix, en t'expliquant qu'au fond il y a tout à faire. La violence du constat, la médiocrité régulière, la stérilité du débat, la beauté du désert. J'aimerais que tu m'aimes dans ce merdier des fois. J'aimerais que tu m'aimes dans ce merdier des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes avec mes défauts des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes pour mes défauts des fois. De sommeil, je suis aux abois. Je dormirai mieux les mains dans la terre. Je regarde l'échec sur les traces de leurs pas, et je brûle mes acquis et ce plan de carrière. La violence du constat, la médiocrité régulière, la stérilité du débat, la beauté du désert. Mais j'aimerais que tu m'aimes dans ce merdier des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes dans ce merdier des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes avec mes défauts des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes avec mes défauts des fois. Allez, une petite seconde dose de Bébli. Demain, sans but particulier, c'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester, traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté. C'est quoi ce chemin? C'est quoi la finalité? Mais je suis fatigué et je ne dors plus. Mais je suis épuisé et je ne dors plus. Mais je suis fatigué et je ne dors plus. Demain, tu sais, ça reste à prouver. C'est quoi ce pétrin? C'est quoi la finalité? Traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté. C'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester. Je ne dors plus, mais je suis épuisé et je ne dors plus.

elle devenait longue histoire. Ne m'en veux pas si je me barre. Si je te barre aussi de mon carnet, chérie. Quand il ne reste plus rien, que le Daniel nous a quittés, il nous reste des mots d'amour, comme ceux chantés par nos amis de Debout sur le Zinc. J'aimerais écrire des mots d'amour, parce que parler, c'est pas mon fort. J'aimerais écrire des mots d'amour, les faire jaillir de mes trois accords. Mais j'ai un peu froid, comme a dit l'autre, et ce long frisson qui n'en finit pas. J'ai un peu froid, mauvais apôtre, mon cafard me lâche moins souvent qu'autrefois. Yadatin, yadatin, yadamta, yada, yadadata, yatin, yadatin, yadatin, yadamta, ta. J'aimerais écrire des mots d'amour, parce que le reste, c'est pas grand chose. Je l'ai appris à mon tour, je te le livre un peu. Je te propose de laisser le long du discours nos contentieuses et les comptes à rebours. Oublier le temps d'un refrain, ce bon vieux réflexe, moi j'en garde pour demain. Yadata, yadata, yadamta, des mots pour toi mais que je ne dis pas. Yadata, yadata, yadamta, cela. Je l'oublie, je cède encore. J'aimerais écrire des mots d'amour, jeter l'éponge un peu, tenter le sort. Une pause ici pour poser là, entre deux conflits, entre deux coups d'éclat. Une pause pour dire autour de moi, mon ami, mon frère, mon amour, écoute-moi. Yadata, yadata, yadamta, des mots pour toi mais que je ne dis pas. Yadata, yadata, yadamta. Yadata, yadata, yadamta, des mots pour toi mais que je ne dis pas. Yadata, yadata, yadamta, cela.